Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a visité à 0h du 16 février le Palais du Soleil de Kumsusan et rendu l'hommage sublime au général Kim Jong-il à l'occasion de la journée de la brillante étoile, fête suprême de la nation. Il a été accompagné des cadres responsables du parti et de l'armée, y compris le sous-maréchal Fang Byung-so, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, des cadres des organismes du parti et des forces armées. Le dirigeant suprême est entré dans le hall où se trouvent les statues en pied du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, flanqués des drapeaux du parti et de la République et de la garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et des paysans. Le chef de la garde d'honneur a fait le rapport d'accueil au grand leader. La corbeille de fleurs au nom du dirigeant suprême a été déposée devant les statues en pied. La corbeille de fleurs au nom commun du comité central et de la commission militaire centrale du Parti du Travail de Corée et du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée y a été également déposée. Avec les cadres, le dirigeant suprême a rendu hommage au grand leader. Le dirigeant suprême est entré dans le hall où se trouve conservé le corps embaumé du général. Il s'est incliné en signe d'hommage sublime avec le plus grand respect. Les cadres ont parcouru la salle de conservation des ordres, témoin de la vénération ardente de l'humanité progressiste du monde envers le grand homme sans égal, et les salles de conservation de la voiture, de la rame, du bateau et du wagon utilisés par le général jusqu'aux dernières années de sa vie, lors de sa visite à l'intérieur et à l'extérieur du pays.